Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Un certain Évariste Minani de la colline Guitoua en commune Mumba de la province Ngozi est depuis ce jeudi au cachot de la police judiciaire de Ngozi. Il est accusé d'avoir violé ses trois filles. Certains passagers se lamentent que les véhicules de marque Probox assurant la liaison Bujumbura-Muyira font souvent des excès de chargement qui peut atteindre plus de 10 personnes pour des places réservées à 4. Les lauréats de l'Université des Grands Lacs s'indignent du fait que les services habilités refusent de valider la conformité de leur diplôme. Le directeur académique adjoint chargé de la recherche scientifique au sein de cette université dit que des démarches sont en cours pour trouver une issue favorable. Et puis, la traite burundaise Francine Niyonsaba a octroyé ce vendredi une aide constituée notamment de vivres à 100 malades de l'hôpital Prince-Régent Charles-Emery de Bujumbura. La directrice de cet hôpital appelle les autres d'emboîter le pas à Francine. Voilà pour le sommaire de ce journal mis en onde par Eric Kadogo à la présentation Alain Désiré Boukéenez. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Nous débutons ce journal par la page Justice. Un certain Évariste Minani de la colline Guitoua en commune Mumba de la province Ngozi est au cachot de la police judiciaire de Ngozi depuis ce jeudi. Cet homme est accusé de viol et inceste sur ses trois propres filles. La police envisage de transférer ce dossier devant les juridictions compétentes pour une éventuelle flagrance. Apollinaire Muzagara. Ce veuf de la colline Guitoua en commune Mumba de la province Ngozi, Évariste Minani, a été attrapé en cachette avec sa fille de 18 ans sur les rives de la rivière Kanyaru en train de la violer, comme l'indique une source administrative de Mumba. Évariste Minani aurait, selon la même source, eu un bébé en janvier dernier avec cette fille. Cet innocent a été par la suite tué et donné à un chien, selon la même source administrative sur place. Cet homme est poursuivi aussi pour avoir violé ses deux autres fillettes, l'une de 10 ans et l'autre de 5 ans et demi. Cette dernière serait morte il y a un mois toujours, selon cette source sur place. Évariste Minani est accusé de viol et inceste sur ses propres filles. Les expertises médicales ont confirmé l'objet de son jeûne. Cet homme est gardé pour le moment au cachot de la police judiciaire d'Ngozi pour des investigations. Son dossier sera incessamment transféré au parquet pour une éventuelle flagrance, comme l'indique la police. D'Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganiro. Cet employé de l'hôtel Tanganyika Lodge de la ville de Lumonge sont dans les mains de la police judiciaire de Lumonge depuis la nuit de ce jeudi. La police est dit enquêter sur leur probable complicité dans le vol d'un ordinateur portable et 300 000 francs burundais lorsque la porte d'une chambre de cet hôtel a été défoncée par des inconnus entre 17h30 et 18h30 ce jeudi, selon la police à Lumonge. Les prêts aux pays à faible revenu ont été multipliés par 17 entre 2010 et 2016 et les prêts aux pays à revenus intermédiaires ont doublé. Ceci a été précisé ce mercredi en Côte d'Ivoire lors d'une rencontre entre le gouverneur de la Banque africaine de développement et les ministres des Finances et de la Planification. Le Burundi a été représenté par le ministre des Finances. Dans un communiqué de la BAD, il est mentionné que l'augmentation du capital lui permettra de réaliser ses grands projets pour un montant de 15 milliards de dollars durant cette année. Une occasion pour le président de la BAD de présenter les réalisations au cours de ces dernières années. Mireille Kanyang. Entre autres réalisations de la Banque africaine de développement, telles que mentionnées par son président Akinwumi Adesina, environ 27 millions d'Africains ont bénéficié de connexions à l'électricité, 49 millions ont pu bénéficier d'améliorations dans l'agriculture et quelques 35 millions de personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau et à l'assainissement et près d'un million de petites entreprises ont bénéficié des services financiers. Dans ce communiqué de la banque datant de ce 7 mars, les échanges ont porté sur les défis économiques, les opportunités et les succès enregistrés sur le continent. continent. Ils ont en outre parlé du déficit de financement d'infrastructures estimé à près de 170 milliards de dollars à travers le continent, la croissance démographique avec en particulier les défis posés par l'emploi des jeunes, un enjeu important souligne le communiqué pour la paix, la sécurité et la stabilité. Lors de cette rencontre, le patron de la BAD a également relevé que la banque avait levé l'année dernière 9,73 milliards de dollars auprès des marchés financiers pour les pays africains et qu'elle avait ainsi atteint le plus haut niveau de décaissement annuel de son histoire, soit 7,67 milliards de dollars. Une occasion pour le numéro 1 de la BAD de préciser que les prêts aux pays à faible revenu ont été multipliés par 17, passant de 434 millions de dollars en 2010 à 7,5 milliards de dollars en 2016. Les prêts aux pays à revenu intermédiaires ont doublé et le portefeuille actif des projets du secteur privé de la banque est passé de 15 milliards de dollars en 2010 à 30 milliards de dollars en 2016, a-t-il précisé. Et sur la page transport, certains véhicules de marque Probox assurant la liaison Bujumbura-Muyira font des excès de chargement des personnes et des biens. Ces véhicules chargent jusqu'à placer les personnes dans le capot arrière. L'effectif de personnes transportées peut arriver à plus de 10 personnes, selon certains passagers se déplaçant dans ces véhicules, alors qu'ils ne devraient pas dépasser 4 personnes. Oban Niyonguru. Certains passagers se déplaçant à bord des véhicules de marque Probox ou ceux dits Station ou Kagongo dénoncent leurs conditions de transport dans ces véhicules assurant la liaison Bujumbura-Muyira en commune Kanyosha de la province de Bujumbura. Pour les personnes, il est d'usage pour les transporteurs de placer ces passagers derrière le siège arrière à l'endroit communément appelé capot pour ces passagers. Nous sommes obligés de plier les jambes pour nous asseoir. Nous ne pouvons pas nous asseoir confortablement. Nous arrivions à destination étant trop fatigués. Moi, un jour, nous nous sommes assis au capot à trois. Ces derniers disent qu'ils sont obligés de plier les jambes pour pouvoir s'asseoir à quatre, voire même à cinq. Pour ce cas, ces passagers payent moins par rapport à ceux qui s'assoient sur le siège de devant. Au capot, il y fait très chaud. Là, tu payes 1500 francs bout, tandis que pour ceux qui s'assoient devant, ils payent 2000 francs bout. Ces passagers affirment souvent assister à des scènes inédites lorsque le conducteur de voiture s'assoit à côté de trois autres passagers. Au total, ces véhicules peuvent transporter jusqu'à 11 passagers alors qu'ils n'étaient autorisés qu'à transporter 4 passagers. Ces derniers demandent le respect du code de la route. Toujours sur la page transport, les conducteurs des véhicules qui passent sur l'avenue Paysan en mairie de Bujumbura se lamentent du fait qu'une partie de cette avenue est fermée depuis 4 jours. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro disent qu'ils n'ont pas été informés avant la fermeture. Ces chauffeurs demandent la réouverture de cette avenue pour faciliter leur travail. Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Nous sommes sur l'avenue Paysan qui mène à l'endroit communément appelé Ciné Caméo dans le quartier asiatique Amérique de Bujumbura. Arrivé là, un camion de marque Fuso balle une partie de la route. À côté, s'observe un chantier en cours de construction. Des sables, des pierres et des béton utilisés dans la construction de ce chantier bloquent la circulation. L'aide des conducteurs de véhicules usagés de cette route se lamente que les activités sont déstabilisées à cause du blocage de cette avenue. Quand on vient et qu'on trouve que la route est barricadée, on est obligé de faire marche en arrière. Ainsi, on risque d'avoir un accident et quand on passe dans le sens unique, un policier nous arrête et nous demande des documents. Telle est la situation. Ce conducteur demande la réouverture de cette route. Nous demandons à l'État d'aller chercher cette personne pour lui demander pourquoi avoir barricadé la route. En plus, en barrant la route, il a mis une pancarte disant « Stop, mais jusqu'à maintenant, il n'a rien encore fait, cela fait 4 jours. » Joint au téléphone, le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonima, fait savoir qu'il n'était pas au courant de cette situation, mais qu'il pourra s'exprimer ultérieurement. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Sur la page éducation, les lauréats de l'Université des Grands Lacs ne savaient pas à quel sens vouer. Les services habilités du ministère de l'Éducation ayant refusé de valider leur diplôme. Le directeur académique adjoint chargé de la recherche scientifique au sein de cette université dit être au courant de ce problème. Père Emmanuel Nkurunziza tranquillise que des démarches sont en cours pour trouver une solution favorable à ce problème. Évariste Nzikobanyan. Les anciens étudiants finalistes de l'Université des Grands Lacs, UGL en sigle, s'indignent. Ces derniers indiquent ne pas comprendre pourquoi leurs diplômes n'ont pas encore été certifiés comme tant d'autres. Ces derniers disent éprouver beaucoup de difficultés pour trouver de l'emploi faute de diplôme. Un de ces anciens étudiants et finalistes de l'UGL demande plus de lumière à ce sujet. Après nos études universitaires à UGL, on nous a délivré des diplômes qui ont été par après refusés par le ministère. Si on lance des appels d'offres, nous n'avons pas de quoi à déposer, car même les attestations que nous possédons, la direction a dit qu'on va le rectifier. Ça se comprend qu'il y a des erreurs dans la rédaction de ces dernières. Un autre problème est que nous avons payé 30 000 francs pour avoir accès à ces diplômes, et maintenant on a dit qu'on devait repayer pour un autre diplôme. Nous demandons à la direction et même au ministère de tout faire afin qu'on nous donne des diplômes conformes aux normes le très tôt possible. Emmanuel Nkurunziza, le directeur adjoint académique à cette université, tranquillise. Il indique que de nouveaux diplômes vont bientôt être décernés à tous ces anciens lauréats de cette université. Pour le cas de l'espèce, c'est qu'on nous a demandé d'ajouter des éléments sur le contenu, notamment la partie réservée à l'intérimement. Et ça, c'est une loi qui concerne tous les diplômes qui seront délivrés au Burundi. C'est dans ce sens-là que, de fait, il y a eu un refus, mais un refus qui ne disqualifie pas le diplôme qui est délivré par l'université qui est la nôtre. S'il y a contre-temps pareil, ça fait mal pour l'université, ça fait mal pour nos lauréats, on comprend. Mais on s'est mis déjà d'accord avec le directeur général sur ce qu'il faut vraiment le contenu. Le parchemin, c'est déjà terminé. Ça veut dire que d'ici peu, on va commencer à autoriser la commande des diplômes, qui ça va suivre un processus parce qu'il y aura aussi une séance d'intérimat de nos diplômes. Et à la question de l'argent qui est demandé à ces anciens et diplômés de l'UGL, le directeur adjoint académique indique que cet argent doit être versé. Le travail qui consiste à remplir ces diplômes exige de moyens financiers, ajoute-t-il. Et sur la page santé, plus de 80% des patients accueillis par jour au centre de santé Saint-Pierre en mairie de Bujumbura souffrent de la grippe depuis le mois de novembre dernier. Le médecin Jean-Claude Chichaye de ce centre, visité par la radio Isanganiro, le dit au moment où il s'observe ces derniers jours un nombre important de malades de ce virus. Son médecin considère que ceux qui sont déjà contaminés devraient éviter de contaminer les autres en cessant de se salué par les mains. Ornella Mucho. Les malades victimes de la grippe s'observent nombreux dans différents hôpitaux. Lynn, qu'on a rencontré au centre de santé, indique que les symptômes ressemblent à celles de la malaria. Je me sens très mal, ça commence par les maux de tête, c'est ça comme que c'est de la malaria. Mais si on se lève à l'hôpital pour se faire soigner et consulte le médecin, on dit comment tu te sens, propose de faire la goutte PES pour voir si c'est la malaria, mais la goutte PES s'est avérée négative. Docteur Jean-Claude Chichahayo du centre de santé Saint-Pierre affirme que la plupart des patients qu'il accueille souffrent de la grippe depuis le mois de novembre. Quand on fait des analyses, on trouve qu'ils n'ont rien d'autre, parce que beaucoup de fois, si une personne qui était censée être en bonne santé, je dis entre 25-30 ans, et qui se présente avec une fièvre à 40, 39-40 et même plus, et tu fais des examens comme la goutte épaisse pour éliminer le palud, la CRP pour voir s'il n'a pas d'infection du sang, directement on se dit, avec les signes dont je parlais tout à l'heure, les éternuements, les rhinorrhées, on se dit qu'on n'a rien d'autre que la grippe et directement on est mis sur le traitement. Selon son médecin, faire beaucoup de sport lorsque tu souffles de la grippe, ça affaiblit de plus en plus le corps humain. Il faut peut-être essayer de rompre avec la pratique de se donner la main tout le temps. Parce que la grippe vient subitement comme ça. Et quand tu commences à éternuer, à avoir des rhinorrhées, tu as tendance à te moucher. Directement après avoir fait ce geste de mouchage, tu as des germes sur les doigts. Et quand tu vas saluer quelqu'un, tu lui transmets directement ces germes-là. Il faut faire du sport, mais un sport qui n'est pas exagéré, parce que c'est pour essayer de faciliter à ce que l'organisme puisse éliminer un peu de ces microbes-là. Si tu fais un peu du sport beaucoup plus exagéré, là, tu affaiblis le corps qui est déjà affaibli par la présence de ce virus. Docteur Jean-Claude Chichahayo indique que le virus de la grippe est à l'origine de beaucoup de décès, même si beaucoup de patients l'ignorent encore. Dans la suite de ce journal, une aide constituée de riz, de haricots, du sucre et de savon a été octroyée ce vendredi à 100 malades de l'hôpital Prince-Régent Charles, se trouvant en mairie de Bujumbura par l'athlète Francine Nyonsaba. Chaque malade recevait 10 kg de haricots, 10 kg de riz, 5 de sucre et 5 savons de lessive. La directrice de cet hôpital, Dr Inès Roseline Nduimana, remercie Francine pour avoir pensé aux malades de cet hôpital et lance un appel aux autres hommes charitables de lui emboîter le pas. Gertrude Moyenaï. La joie à l'hôpital Prince Régent Charles lors de l'arrivée de l'athlète Francine Nyonsaba, cette championne de l'athlétisme, indique que dans la culture burundaise, quand on rend visite à un malade, on lui apporte quelque chose. Dans la coutume burundaise, comme je l'ai constaté en grandissant, quand quelqu'un rend visite à un malade, il lui apporte quelque chose. Vous le savez très bien, une personne malade a besoin de beaucoup de choses. Je ne suis pas donc venue les mains vides. J'ai apporté du riz, du haricot, du sucre, ainsi que des savons. 100 personnes vont bénéficier de cette aide. Chacune d'elles aura 10 kg de riz, 10 kg de haricot, 5 savons de lessive et 5 kg de sucre. Ces malades de l'hôpital Prince Régent Charles remercient la traite Francine Nyonsaba de l'aide qu'elle leur a octroyée parce qu'ils en avaient besoin, disent-ils. Docteur Roseline Nduimana, directrice de cet hôpital, remercie elle aussi la championne Francine Nyonsaba pour avoir pensé aux malades de cet hôpital et appelle d'autres bienfaiteurs de lui emboîter le pas. Nous remercions l'athlète Francine Nyonsaba pour l'aide qu'elle a amenée aux patients démunis de l'hôpital Prince Régent Charles. Et nous la remercions beaucoup parce que parmi ces patients, il y a des patients qui n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir se nourrir pendant la journée et pendant la nuit. Nous interpellons d'autres bienfaiteurs qui le peuvent, qu'ils viennent aider les patients avec des moyens limités. Les gens qui sont malades, les patients, les gardes malades sont dans une situation, ils doivent être réconfortés par les gens de l'extérieur. L'athlète Francine Nyonsaba a fait savoir qu'elle avait voulu visiter les malades de l'hôpital Prince Régent Charles dès le début de sa carrière athlétique. Après avoir été bien accueillie à cet hôpital, quand elle avait eu un accident dans les championnats interprovinces, lorsqu'elle représentait à Bujumbura la province de Gitega avec ses camarades de classe et leurs encadreurs. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Eric Kadogo pour la mise en onde. Le journal vous a été présenté par Alain Désiré Boukeneza. Bonne soirée à tous. Au revoir.